La potion est dans la vitelle. La cala est dans le vito. Même si je suis amoureux, je suis pas fidèle. Bah les couilles tant que je remplis le frigo. Moi les rappeurs, j'en fais mon shit day. Elle me casse les couilles, je change de bigo. Tu fais le fou, je prends un wigo. Je vais t'arracher tous les organes vito. Moi je suis là pour l'oseille, je m'en bats les couilles de la célébrité. On a trop galéré, crois-moi, ce qu'on a, nous on l'a mérité. Dis-moi que tu m'aimes chérie, même si ce n'est pas la vérité. Si un jour je meurs, s'il te plaît ne fais pas comme la Gadji a dit, on y a l'idée. Tu nous dois des sous pédés, à 6h t'as la porte pétée. Là je suis dans la porte pétée, au poignet j'ai Audemars Piguet. Coupable on va pas plaider, à Dubaï nous on part cet été. Sur la mec on va pas t'aider, dis-moi qui va nous raqueter. J'ai le nif de pèse, algérien de l'Est, j'ai la couleur du diable. J'ai confiance au très haut, je m'en bats les couilles de la valeur du diable. Nique sa mère le buzz, fais pousser la beuh en écoutant du jazz. J'ai un fusil à pompe, le calibre à James Bond et un fusil de chasse. Moi je suis là pour l'oseille, je m'en bats les couilles de la célébrité. On a trop galéré, crois-moi ce qu'on a, nous on l'a mérité. Dis-moi que tu m'aimes chérie, même si ce n'est pas la vérité. Si un jour je meurs, s'il te plaît ne fais pas comme la Gadji a dit, on y a l'idée. Je leur ai donné ma confiance, c'est pas tard, on pisse dessus. C'est moi, je leur ai donné les armes, avec qui m'ont tiré dessus. Je vous laisse faire les voyous sur Snap, t'inquiète, on se reverra dans la street. Oh là que je vais leur faire du sale, et puis j'irai pointer à la speed. On t'a donné un coup de main, t'as fait le fist up. On apprend pas au vieux singe à mettre la disquette. J't'envoie un petit chez moi avec un petit stun. Vite ma mère qui peut te rafaler pour un cheesecake. Derrière le téléphone ils sont distants. Quand tu les vois en face, ben ils sont distants. L'ange de la mort viendra en nous disport. Tu disparais, dis pas les hop, t'es plus dispo. J'ai le nif, j'te baise, algérien de l'Est, j'ai la couleur du diable. J'ai confiance au très haut, je m'en bats les couilles de la valeur du diable. Nique sa mère le buzz, j'fais pousser la beuh en écoutant du jazz. J'ai un fusil à pompe, le calibre à James Bond et un fusil de chasse. Moi j'suis là pour l'oseille, je m'en bats les couilles de la célébrité.